professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel regard sur les événements en Égypte depuis la presse française ? Qui est le gambettiste Gabriel Charme, porte-parole des intérêts français en Égypte ? Comment les chroniqueurs et essayistes français posent-ils le débat sur la nature de l'islam ? Comment, selon Pelletan, Bismarck a-t-il poussé la France sur Tunis, comme il a poussé l'Autriche sur Salonique ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, interroge le grand tournant des années 1880 en Europe et en Orient dans le cadre de son cours pluriannuel consacré aux provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle. Au plus près de la chronologie des événements et des courants qui naissent en cette période d'affirmation des impérialismes, de la naissance du panislamisme et de grandes interactions entre les différents acteurs, l'historien nous inscrit dans un récit que nous suivons cours après cours, où se révèle une certaine actualité du passé entre effets de permanence et de divergence. Le cours précédent amorçait l'étude du regard français sur les événements en Égypte. Nous voici face au texte et au débat contradictoire entre les soutiens du mouvement nationaliste égyptien, les opposants à ce mouvement, les partisans d'une plus grande France et les anticoloniaux qui ne veulent pas être détournés de la ligne bleue des Vosges. Henri Laurence cite longuement ces textes, souvent savoureux, et nous présente avant les essayistes, les chroniqueurs du journal des débats, de la revue des Deux Mondes, mais aussi la justice de Pelletan et Clémenceau, l'intransigeant de Rochefort, seul journal à prendre la défense des indigènes. Par ses publications, Gabriel Charme, nous explique Henri Laurence, entrera dans l'histoire comme inventeur du terme panislamisme. L'historien cite l'avant-propos de son célèbre recueil d'articles publié en 1882 sous le titre « L'avenir de la Turquie, le panislamisme » et je le reprends. « Depuis 1830, écrit donc Gabriel Charme, la France est une grande puissance musulmane et la plus grande puissance arabe du monde après la Turquie. De ce fait, l'avenir de la Turquie la concerne directement », résume Henri Laurence. Après les contre-coups des événements de Tunisie, les opposants aux républicains opportunistes, les opportunistes portant, je le rappelle, le projet de l'expansion française au nom de la grandeur du pays, reçoivent l'avertissement de Charles Longuet. Henri Laurence cite le gendre de Marx le 3 septembre 1881, et je le reprends. « On avait allumé l'ardeur nationale et religieuse des Arabes, ce que nos officiers cléricaux appellent sans doute leur fanatisme, sans prévoir les moyens de l'éteindre. » Charles Longuet fait partie des auteurs qui voient dans le fanatisme musulman la conséquence des actes européens et non la cause, souligne l'historien. En cette fin du XIXe siècle, s'affirme également la perspective raciale issue des sciences de l'homme, aussi bien dans le débat européen que dans l'expérience coloniale. Après avoir posé la grille d'analyse des événements en Égypte par les Français, nous retrouvons le grand ministère Gambetta face aux constitutionnalistes égyptiens et les actions pour maintenir la coopération franco-britannique l'hiver 1881. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Henri Laurence fin 2016, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, aujourd'hui l'enjeu égyptien vu de France. Qui est Gabriel Charme ? C'est le plus jeune des trois frères Charme. L'aîné, Francis, a commencé une carrière diplomatique puis politique. Il est député. Le second, Xavier, est une personnalité importante du ministère de l'Instruction publique et en même temps un historien et un archéologue. Le jeune Gabriel souffre de tuberculose, d'où son choix de devenir reporter spécialisé dans les pays méditerranéens afin de bénéficier de la clémence du climat. D'ailleurs, il mourra prématurément à l'âge de 36 ans en 1886. Les trois frères sont associés étroitement au milieu des républicains modérés au pouvoir. Alors bon, en dehors de sa spécialité comme des spécialistes des affaires orientales, Gabriel Charme est aussi un défenseur de ce qu'on appelle la jeune école dans les questions maritimes françaises. C'est-à-dire la jeune école, c'était ces gens qui étaient persuadés qu'on n'avait plus besoin de cuirassés, parce qu'il suffisait d'avoir des tas de torpilleurs qui couleraient les cuirassés des autres. Et donc ça coûterait moins cher. Et donc, si vous tapez sur Google Gabriel Charme, vous tombez sur Jeune École et non pas sur Égypte. C'est qu'il est surprise de l'informatique moderne. Alors que le rôle, évidemment, de Gabriel Charme sur l'Égypte est plus important. Donc, le 9 octobre, il revient sur la situation en Égypte en proposant d'interposer la France et l'Angleterre entre l'armée et le gouvernement égyptien. Quant aux prétendus partis nationaux qui intriguent avec la porte, ne serait-ce pas un grand avantage si cette démarche de la France et de l'Angleterre mettait un terme aux rêves malsains dont ils se repaissent et dont l'écho retentit jusqu'en Algérie et jusqu'aux Indes. Alors, le 21 octobre, Ghanem lui répond, toujours dans les colonnes du journal des débats. Lorsque le Parti national s'est formé à Alexandrie il y a 2 ans, il se composait presque exclusivement de Syriens et d'étrangers. Il s'était constitué en vue d'appuyer Chérif Pacha, qui avait mis en avant quelques idées constitutionnelles formulées dans une sorte de programme qui ne fut point accepté et amena la chute du ministère. Après le départ de Chérif Pacha, ce parti s'était complètement désorganisé, mais il avait donné naissance à un autre parti méritant mieux le nom de national, car il était formé de vrais Égyptiens divisés en 2 catégories, ceux qui veulent l'établissement en Égypte d'un régime constitutionnel sous la protection des puissances, et ceux qui désirent voir l'Égypte tout à fait indépendante et s'administrer elle-même. Il existe en fait un troisième parti dont a été parlé ici même, celui des Circassiens et des Turcs. Ce parti, pour des raisons faciles à comprendre, est complètement dévoué à la porte, et c'est sur lui que le sultan compte toujours pour garder le reste d'autorité qu'il conserve en Égypte. Et donc, il ne faut pas confondre ces différentes composantes. En tout cas, il serait imprudent de négliger complètement, de ne pas surveiller d'assez près, car il représente une force qui pourrait nuire à l'action anglo-française en Égypte. Le 1er novembre, Charme renvoie une nouvelle dépêche dans laquelle il analyse la façon sombre. Les militaires sont prêts à prendre le pouvoir et à déposer le calife. Le pays couvert de chairs turques qui vont répandant par tous les idées fanatiques et prêchant sur un mot d'ordre de Constantinople l'union de tous les vrais croyants sous la direction suprême du sultan. En même temps, la presse arabe combat les Européens avec une violence dont il est impossible de donner une idée dans notre langue, le français n'ayant point la force d'invective de l'arabe. Mais je suis pas sûr que Charme lisait l'arabe, enfin bon, ça c'est un autre problème. Ils écrivent des choses extravagantes sur la conquête française de la Tunisie. Et vous voyez par exemple l'exemple de ce journal français qui a été fermé parce qu'il avait publié un extrait d'ouvrage où Mahomet était traité de faux prophète. Arabie est de plus en plus exalté et se pose en sauveur du pays. Chérif compte sur la future chambre des notables pour contenir l'armée. Et donc les différentes correspondances de Charme insistent sur la menace musulmane, la propagande hostile aux Européens. C'est donc assez clairement, Charme est le porte-parole des intérêts français en Égypte. On y verrait peut-être le signal de l'émancipation universelle de l'islam. Entre les mains de la Turquie, la mosquée de l'Azhar serait un foyer d'intrigue qui rayonnerait dans l'Asie et l'Afrique toute entière. Il faut habiter l'Orient pour comprendre combien les faits les plus simples deviennent des événements extraordinaires, grâce aux transformations que leur fait subir la conscience populaire, si le sultan réussissait à faire croire aux musulmans que la France et l'Angleterre ne sont point parvenus à l'empêcher de reconquérir l'Égypte, du Maroc à la Chine, ce serait un tel mouvement d'enthousiasme que personne ne pourrait en prévoir les conséquences. Alors donc, les débats continuent jusqu'à la fin de l'année entre Ranem et Charme, Ranem prenant la défense du mouvement national et Charme attaquant systématiquement ce même mouvement national. Donc, il y a toujours des complots et il faut appuyer les autorités légitimes. Alors, tout ça ne serait pas très intéressant si Gabriel Charme n'avait pas publié en 1882 un texte qui s'appelle « L'avenir de la Turquie, le pan-islamisme » comme sous-titre, qui rassemble en fait les articles que Gabriel Charme a publiés l'année précédente dans la Revue des Deux Mondes. Et là, on quitte le domaine des diplomates professionnels et des correspondants de presse pour passer à celui des essayistes qui formulent des vues générales et des concepts à partir des discours des deux catégories précédentes. Ensuite, ces concepts structurent les perceptions de l'ensemble des acteurs. Bon, je parle des 1882, pas de 2016. Dès l'avant-propos du livre, tout est dit. Depuis 1830, la France est une grande puissance musulmane et la plus grande puissance arabe du monde, après la Turquie. De ce fait, l'avenir de la Turquie la concerne directement. Nous ne saurions rester indifférents à la prétention qu'a le sultan d'être calife, car si cette prétention est justifiée, les 5 millions de musulmans auxquels nous commandons en Algérie et en Tunisie sont en dehors et au-dessus de nous, sous l'action d'une autorité spirituelle et politique qui s'impose à leur conscience aussi bien qu'à leur volonté. Pense-t-on que ce soit là un péril sans gravité ? Pense-t-on qu'il soit permis de le dédaigner sans imprudence ? Car ce qu'il faut comprendre, dit Charme, c'est que le monde musulman fonctionne comme un espace d'opinion. Je cite. On a inventé depuis quelques années à Berlin le mot « question de la Méditerranée ». L'expression est plus juste et plus complète que celle de « question d'Orient ». Sur la Méditerranée, l'Orient et l'Occident sont unis par un lien indissoluble, l'islamisme. Pour bien comprendre ce qui se passe à Alger ou à Tunis, il est important de savoir ce qui se passe à Constantinople. Le même courant moral circule le long des rives de la Méditerranée depuis le Bosphore jusqu'au détroit de Gibraltar. Les quelques chers fanatiques qui se sont emparés de l'esprit d'Abdul Hamid et qui le bercent de l'illusion panislamique, si peu intéressants qu'ils soient par eux-mêmes, exerceront sans doute une influence décisive sur l'avenir du monde. C'est pourquoi leur œuvre mérite d'être mise en lumière. Fin de citation. Pour lui, le pan-islamisme est un rêve du passé destiné à s'évanouir aujourd'hui dans des désastres. Il faut voir que l'existence même de la Turquie est une provocation pour toutes les puissances qui ont des sujets musulmans. Alors, comme tous les gambettistes, dont il fait partie, Gabriel Charme, est un partisan affirmé de l'hellénisme. Il s'inquiète d'ailleurs de la montée en puissance de la Bulgarie et des autres pays slaves des Balkans. Au-delà, Gabriel Charme fait à la fois preuve de discernement et d'aveuglement en matière historique. D'un côté, il explique que la nature islamique de l'État ottoman lui a interdit d'assimiler les races conquises parce que cela aurait exigé au préalable leur conversion à l'islam. De même, l'européanisation de l'Empire aurait exigé une séparation nette entre la religion et l'État, ce qui était le projet de Midat Pacha et de la jeune Turquie. Donc le retour au théocratisme califal conduira à la disparition de l'Empire. Mais comme tous les partisans de l'expansion coloniale en terre d'islam, Charme ne se rend pas compte que son argument se renverse du fait de l'incapacité d'assimiler les millions de sujets musulmans à l'Empire français. Charme considère comme certain l'existence du complot pan-islamiste en Afrique. Pourtant, dit-il, l'élément arabe en Égypte et en Syrie est prêt à se soulever contre les Turcs, comme le montrent les événements récents. Outre la volonté de compenser la perte des provinces balkaniques, le pan-islamisme califal est aussi une réaction contre les mouvements indépendantistes arabes et l'action du Khedive Ismail, désireux de se venger en finançant des campagnes de presse dénonçant la légitimité du califat ottoman. En fait, Abdul Hamid a renversé une propagande religieuse qui originellement était dirigée contre lui. Mais en faisant de tous les pays européens ses ennemis, il condamne l'Anatolie turque à épuiser toutes ses ressources au lieu de se consacrer au relèvement du pays. Et la conclusion est sans appel. Une chose qui résulte de l'étude de la situation de l'Empire ottoman, de quelque manière que l'on envisage et à quelques points qu'on se place pour l'entreprendre, la Turquie est inguérissable, puisque les seuls remèdes qui pourraient la guérir seraient pour elle pires que le mal dont elle souffre. Sa décadence est irrémédiable. Elle s'effondrera dans une catastrophe violente ou dans une crise lente, mais elle ne se transformera pas et ne reprendra jamais une nouvelle vie. Alors, l'analyse précise du texte de Gabriel Charm montre qu'il a eu communication de la correspondance diplomatique de l'ambassade de France à Constantinople, puisqu'il en cite des extraits sans en donner la provenance. Alors, Gabriel Charm est entré dans l'histoire comme l'inventeur du mot panislamisme à cause de ce livre, même si en fait le mot panislamisme a apparu dans la correspondance diplomatique dès 1880. Mais si vous lisez tous les livres classiques sur la question, on vous dit Gabriel Charm, inventeur du panislamisme, et à cause de ce sous-titre de ce livre. Mais il est le premier, et ça c'est faut lui reconnaître, à donner une interprétation systématique à destination du grand public, ce qui justifie largement cette attribution. Alors, de l'autre côté, il y a encore ceux qui voient la ligne bleue des Vosges, hein, donc par exemple Juliette Adam, qui dans sa revue, la Nouvelle Revue, c'est elle qui tient la chronique de politique étrangère de la Nouvelle Revue, ce qui à l'époque est important. Là, dans toutes ces grandes revues de la Troisième République, la chronique diplomatique est le morceau de choix. Tu vous rappelles, si vous avez des souvenirs, que chez Colette, dans les premiers romans de Colette, Willy, son mari, tient une chronique diplomatique dans une revue, ce qui montre l'importance à l'époque de cet objet. Donc, elle maintient qu'il y a bien un danger du panislamisme, comme le dit Gabriel Charm, mais avec deux modifications substantielles. C'est qu'il faut chercher l'alliance russe pour faire la guerre à l'Allemagne, et que, et là c'est une nouveauté, c'est la première à le sortir et complètement déconnectée de la réalité à l'époque, elle accuse Bismarck d'être derrière le panislamisme. Dès que la France a un ennemi qui est Bismarck, donc s'il y a des ennemis de la France, c'est que Bismarck est derrière les ennemis de la France. Hein, c'est logique. Donc, curieusement, ça fait d'elle une adversaire de l'expansion coloniale de son ami Gambetta, à qui elle vient de rompre. En tout cas, il y a bien une inquiétude chez les Français et les Britanniques, c'est que les Ottomans sont vraiment des ingrats. Les Anglais se sont emparés de Chypre et les Français de la Tunisie, et maintenant les Ottomans, ils se précipitent dans les bras de l'Allemagne. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, en effet, Abdul Hamid a fait des offres à l'Allemagne de Bismarck, et Bismarck y a répondu favorablement, mais en fait, Bismarck a fait en même temps savoir aux Français qu'il considérait comme inévitable un affrontement entre les races slaves et germaniques, puisque, encore une fois, j'ai insisté les fois précédentes, hein, vous ne comprenez pas le dernier tiers du XIXe siècle, si vous ne pensez pas que la pensée raciale est omniprésente, y compris en politique internationale. C'est pour ça que lui, Bismarck, a encouragé l'Autriche à occuper la Bosnie-Herzégovine, première étape sur la route de Salonique. Et donc, il s'agit, dit Bismarck, de fermer les positions autrichiennes dans les Balkans pour faire barrière au panslavisme. Bismarck croit qu'un jour l'Empire ottoman doit disparaître, mais il fera tout pour le retarder. Non pas pour le bienfait des Ottomans et des musulmans. C'est la célèbre formule, ça ne mérite pas les os d'un grenadier poméranien. Mais parce que retarder l'effondrement de l'Empire, c'est retarder la lutte finale entre les races slaves et germaniques qui vont s'enclencher sur cette route de Salonique qui passe par la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire par Sarajevo, si vous êtes clair sur la carte. Alors, autre journal qui va nous intéresser, on va commencer seulement aujourd'hui, c'est la justice de Clemenceau et Pelletan. Donc là, c'est le journal de l'extrême-gauche du parti républicain. Clemenceau en est le directeur politique et propriétaire, et Camille Pelletan est le rédacteur en chef. C'est ce qui représente alors l'anticolonialisme de gauche dans la pensée française, puisqu'il existait aussi un anticolonialisme de droite, je le rappelle. Là, très tôt, le journal a dénoncé l'expédition de Tunisie contre les Croumires comme étant un prétexte pour établir un protectorat sur ce pays. Et Pelletan, dès mai 1881, avait dénoncé dans la conquête française de la Tunisie une manœuvre de Bismarck pour distraire la France de l'Alsace-Lorraine. Là, celui qui va tenir la chronique sur le sujet, c'est Charles Longuet, qui, comme tout le monde le sait ici, est le gendre de Karl Marx. Donc, c'est l'un des principaux éditorialistes du journal, ancien communard, Amnesty, etc. Bon. Le 12 mai, Longuet reprend la critique attendue des intérêts financiers privés qui poussent à l'expédition de Tunisie. C'est un article qui s'appelle « L'argent des autres ». Il préfère l'entente avec l'Italie à une annexion de fait de la Tunisie. Et il marque qu'on annexe en peu civilisé, comme le montre la situation de l'Algérie. Je cite « En face d'une race inférieure, ou plutôt placée à un degré plus bas sur l'échelle de la civilisation, quel serait le devoir d'une nation moderne régénérée par les principes de notre évolution ? Faut-il viser à exterminer la race conquise ou à l'élever ? Aujourd'hui que tant de gens se font des plus admirables résultats des découvertes scientifiques, un nouveau moyen de duperie ou de falsification, il ne manque pas de prétendus darwinistes pour conclure à l'extermination. » Puisque c'est le moment où apparaît ce qu'on appelle les idéologies néo-darwinistes sur la lutte pour la vie entre non plus les espèces animales, mais entre les groupes humains, ce qu'on appelle le néo-darwinisme. Donc, Longuet dénonce le néo-darwinisme tout en admettant parfaitement que la France a la civilisation supérieure sur les indigènes arabes d'Algérie. Pourtant, il est assez difficile d'appliquer aux Arabes cette théorie de la condamnation fatale de certaines races. Leur passé historique, scientifique même, protège leur présent. Qu'y avait-il donc à faire pour les rapprocher de notre civilisation ? Afin tout, il fallait étudier leurs institutions primitives, les comprendre et les transformer graduellement en ménageant les phases intermédiaires de développement. Voilà à l'égard d'une colonie l'œuvre propre de la métropole, protéger les colons et la conquête, mais empêcher en même temps l'extermination ou l'asservissement de la race conquise. Donc, on voit la position de la gauche républicaine, qui ne remet pas en cause le fait colonial, mais simplement qui exige une protection des indigènes. Il faut bien comprendre dans tout ça qu'à l'époque, les arabophiles, ce qu'on appelait les arabophiles, c'est-à-dire ceux qui étaient les défenseurs des indigènes algériens d'Algérie, étaient assimilés aux bonapartistes à cause du souvenir du royaume arabe de Napoléon III. Et les colons d'Algérie étaient complètement identifiés au Parti républicain. Et c'était d'ailleurs l'une des grandes bases électorales du Parti républicain au début de la Troisième République. Donc des gens aussi à gauche que Clemenceau, Pelletan ou Longuet sont les défenseurs des colons d'Algérie parce que c'est entre autres une partie de leur base électorale. Alors, autre individu qui va nous intéresser, C'est Stéphane Pichon qui écrit toujours dans La justice de Clémenceau, Stéphane Pichon qui sera ensuite ministre des Affaires étrangères dans les premiers gouvernements Clémenceau et puis dans le second gouvernement Clémenceau de 1918 à 1920. Donc, si je parle de Stéphane Pichon en 1881, c'est que je pense évidemment à Stéphane Pichon en 1918 et 1919. Ce sont là les clémencistes. Donc, il dit, avant de transporter notre civilisation en Afrique, il ne serait pas inutile de la perfectionner un peu chez nous. Le journal dénonce la volonté d'expansion coloniale en Tunisie de Jules Ferry, parce qu'elle provoque l'isolement de la France. Et si la France est isolée sur le plan diplomatique, elle sera vulnérable par rapport à l'Allemagne, toujours la ligne bleue des Vosges. Et de l'autre côté, comme défenseur des colons, le journal appelle à une répression rapide des mouvements de révolte qui ont touché l'Algérie avant que l'insurrection prenne une extension dangereuse. Et Longuet va jusqu'à dénoncer dans les mouvements de révolte de 1881 en Algérie un complot bonapartiste destiné à rétablir un royaume arabe en Algérie. Longuet accuse le gouvernement français de disperser les moyens en parlant de la Tunisie alors qu'il faut la concentrer dans la répression en Algérie. C'est le genre de Karl Marx. Hein. Mais à l'époque, Marx était favorable à la colonisation. Il faut le rappeler, c'est des textes qui ont ensuite chagriné les marxistes. C'est les grands textes de Marx des années 1850-1860 qui sont une apologie de la domination européenne sur le monde qui rouvre le reste du monde au progrès et au mouvement. Donc, évidemment, les marxistes qui sont venus plus tard à l'anticolonialiste sont un peu chagrinés par ces textes. Vous comprenez bien que j'essaye de faire une étude en profondeur de cette conjoncture parce que je trouve qu'en analysant les positions des uns et des autres, on voit d'abord la complexité d'un temps et en même temps beaucoup de choses qui nous rappellent le nôtre. Et donc, la première fois que le mot pan-islamisme apparaissait dans la justice de Clémenceau, c'est le 15 juillet 1881, qui tout le monde le sait ici, et le jour qui suit le 14 juillet, étant donné que le 14 juillet 1881 est le premier 14 juillet fête nationale. Donc le 15 juillet, une correspondance signée HK de Constantinople dit « Voici quelle est actuellement la politique du sultan. Poussé quand même à l'insurrection en Afrique, dédaigner les cris, les menaces et même les premières hostilités de la France. L'Italie éprouvera sans doute quelques joies à voir la France se débattre au milieu d'insurrections toujours grandissantes et se maintiendra dans l'expectative, rassurée peut-être en sous-main par l'Allemagne, toujours hostile à la France, quelles que soient les apparences. Il est évident que l'Allemagne joue double jeu avec tout le monde, mais la Turquie peut espérer, au milieu de toutes ces complications et grâce à la propagande pan-islamique, relever dans une certaine mesure son prestige et infliger aux Français de graves échecs en Tunisie et en Algérie. Tel est le plan du sultan. Je peux vous l'affirmer aussi qu'il est encouragé par l'Allemagne. » Ceci est extrêmement intéressant parce que non seulement on utilise le mot pan-islamisme, mais on va trouver là ce grand thème, d'ailleurs fondé historiquement, qui sera celui de la thème de la fin du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle, du complot pan-islamique germanique, qui correspond d'ailleurs à une réalité dans les faits historiques, bien que ce soit un peu plus compliqué, puisque durant la Première Guerre mondiale, on parlera du Jihad Minute Germany. Donc c'est déjà intéressant que cette notion apparaît dès 1881 dans un organe républicain. Alors Pelletan, le lendemain, le 16 juillet, se moque de Saint-Hilaire, inspiré par Bismarck, qui recherche Strasbourg sur les bords du lac Tchad, affirmant que Bismarck a poussé la France sur Tunis de la même façon qu'il a poussé l'Autriche sur Salonique. Le 3 septembre, bon, évidemment, c'est le contre-coup des événements de Tunisie, de l'insurrection tunisienne contre le protectorat. Et alors qu'au début de l'année, les radicaux avaient laissé faire, avaient fait une protestation de forme contre l'expédition de Tunis, cette fois-ci, ils vont utiliser l'affaire de Tunis pour essayer de faire tomber le gouvernement des opportunistes. Et Longuet s'en prend à la fois à Jules Ferry et à Gambetta. Alors, il marque aussi, une idée est intéressante parce qu'elle est tout à fait perceptible aussi de nos jours, mais on n'avait rien prévu. On s'était jeté d'un cœur léger dans une pareille aventure. Bien mieux, on avait allumé l'ardeur nationale et religieuse des Arabes, ce que nos officiers cléricaux appellent sans doute leur fanatisme, sans prévoir les moyens de l'éteindre. Dans nos controverses par rapport au monde musulman, c'est donc la thèse dite que le fanatisme musulman n'est pas la cause, mais la conséquence de la conduite des Européens et des Occidentaux. Et on trouve donc là aussi cette idée en 1881. Alors, néanmoins, il faut bien comprendre que l'anticolonialisme de la justice doit être mesuré. Comme Jules Ferry, Longuet croit à l'existence de races inférieures que l'on doit élever sur l'échelle de la civilisation. Et il faut rappeler que son beau-père, Karl Marx, pensait la même chose. Bien évidemment, pour les deux, race n'a pas de sens biologique, sinon une telle démarche serait impossible. Et les Européens d'Algérie servent de base électorale aux républicains en général et aux radicaux en particulier. Donc là aussi, même si on est anticolonialiste, on ménage les Européens d'Algérie. Ce qui explique comment les premiers événements d'Égypte sont perçus dans cette grille d'analyse d'un commentaire d'Edouard Duran. La question algérienne se complique d'une insurrection égyptienne. C'est ce que le gouvernement français appelle dans les dépêches de l'agence Avance un événement inattendu. Le mot est au moins naïf, mais il peint bien la diplomatie de M. Barthélemy Saint-Hilaire. Encore deux ou trois événements inattendus comme celui-là et nous pourrons alors nous attendre à tout. Donc, vous voyez, on perçoit assez nettement les événements d'Égypte dans la perspective de l'Algérie et du pan-islamisme, largement inventé, je vous l'ai rappelé, pour justifier la conquête française de la Tunisie. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, aujourd'hui l'enjeu égyptien vu de France. Et là maintenant, nous passons à un autre journal qui est encore plus à gauche que la justice, c'est l'intransigeant de Rochefort, le grand et célèbre polémiste, vous vous rappelez, qui avait commencé sa carrière dans la lanterne sous le Second Empire en disant que la France était composée de X millions de sujets. Enfin, selon l'almanach impérial, la France a X millions de sujets, je crois, sans compter les sujets de mécontentement. Phrase célèbre. Et donc, Rochefort va poursuivre sa carrière d'aventurier, puisqu'il a participé plus ou moins à la Commune, ce qui lui a valu d'être déporté au bagne de la Nouvelle-Calédonie. Et, chose absolument exceptionnelle dans l'histoire des bagnes de Nouvelle-Calédonie, il avait réussi à s'évader avec 5 compagnons du bagne. Et donc, avec Rochefort, il y avait son secrétaire, Olivier Pain, qui avait participé à cette évasion. Et ils étaient, quand il y a eu l'amnistie des communards en 1880, donc Manet et Pain sont rentrés en France et ils ont fondé le journal L'Intransigeant. Alors, ce qui est exceptionnel dans le cas de Rochefort et de Pain, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, les communards ont sympathisé avec les Kabyles qui avaient été aussi envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie à cause de l'insurrection de 1871. Et donc, Pain s'était rendu en Algérie en 1890 pour plaider pour l'amnistie des Algériens à côté de l'amnistie des communards, ce qui lui avait valu pratiquement de se faire presque lyncher par les colons républicains, parce que les communards, d'accord, mais les Kabyles, non, quand même. Et du coup, l'Intransigeant est le seul organe de presse, au début des années 1880, à prendre systématiquement la défense des indigènes d'Algérie contre la politique de la République en Algérie. Ce qui expliquera un peu plus tard l'ouverture d'esprit de Rochefort et de son équipe. Bon, j'anticipe, parce qu'on ne verra pas ça dans bien cette année ni dans les années viennent. Quand Mahamad Rabdou, Jamaleddin El Afrani viendront en France, c'est Rochefort qui va les accueillir et qui va leur ouvrir son journal. D'où cette relation toujours assez curieuse entre les fondateurs de l'islamisme et la gauche la plus radicale française. Bon, on peut retrouver des exemples contemporains, mais c'est déjà le cas dans les années 1880. Donc, Rochefort va mener une campagne de presse accusant la campagne de Tunisie d'être en fait inspirée par des intérêts financiers français. C'est une nouvelle affaire du Mexique. Je cite, « Jamais aucun gouvernement ne s'est joué d'une nation avec cette impudence. Les misérables qui s'apprêtent à envoyer par centaines de mille nos enfants mourir sur les confins du Sahara savaient depuis longtemps que cette hécatombe était inévitable et ils n'en faisaient pas moins tambouriner partout dans la campagne électorale que la campagne était terminée et que ceux qui parleraient de mobilisation seraient déférés devant les tribunaux. » Et le lendemain, donc on est en 12 septembre 1881, Rochefort continue. En établissant hier que la France était gouvernée par des coquins, nous avions négligé d'ajouter que ces coquins étaient en même temps des imbéciles. Ah, c'est le célèbre polémiste Rochefort. Et il continue en disant, de sorte qu'indépendamment de l'Algérie et de la Tunisie, nous voilà avec une question égyptienne sur les bras. Nous n'avons décidément pas de chance avec les musulmans. Donc, vous voyez, les titres de l'Intransigeant, un peu le Mediapart de l'époque, accusant les combines financières qui seraient derrière l'affaire égyptienne. Donc, pendant que l'Intransigeant fait campagne contre les magouilles financières, Pelletan, lui, évoque le risque dans la justice d'un soulèvement musulman. Ainsi, voilà où on en est la situation de l'Afrique. L'Algérie brûle, le Maroc menace, la Tunisie se soulève, l'Égypte est en insurrection. Peut-on se dissimuler la portée des événements dont l'Égypte vient d'être le théâtre et que nos agents n'ont ni empêché ni prévu? Peut-on ne point voir qu'il se rattache à la révolte de tout le monde mahométan de l'Afrique contre l'influence européenne? Donc, la question est de savoir si la France n'est-elle pas en train de lâcher l'Égypte à cause de ce fait qu'elle est embourbée dans les affaires tunisiennes. Et donc, à partir de ce moment-là, la presse républicaine, enfin de gauche, on est dans la presse de gauche là, on est très soupçonneux sur la réalité d'un parti national en Égypte. Donc je cite, c'est une correspondance signée R, donc Le Parti national se compose chez nous d'une vingtaine de personnes sans autorité, qui n'ont pas le moindre programme arrêté, qui ne poursuivent aucun but politique, qui cherchent tout simplement à s'emparer des fonctions publiques et assurer le triomphe de leur intérêt personnel. La preuve de ce que j'avance, vous venez de le voir sous les yeux, le parti prétendu national et libéral qui a renversé Riaz Pacha n'a eu rien de plus pressé après sa victoire que de se soumettre à Sharif Pacha en faisant entendre des paroles d'esclaves. Les militaires et les notables ont tenu le même langage, et donc c'est un discours en disant « En Orient, il n'y a pas de patrie, il n'y a que des communautés religieuses et des intérêts particuliers. » Je crois que j'ai entendu ça récemment, mais bon. On doit quand même admettre en octobre que les Français sont en train de reprendre le contrôle de la Tunisie, en particulier avec la prise de Kairouan par l'armée française. C'est le 26 octobre, la prise de Kairouan, 1880. En même temps, la gauche demande qu'on évacue la Tunisie une fois qu'on l'a conquise, ce qui est un peu bizarre comme raisonnement. Et il dit, donc c'est Pelletan qui s'est rendu en Tunisie, il dit, quand on passe par la rue de Tunis, par les rues de Tunis, on s'y crotte. Quand on se mêle aux affaires tunisiennes, on risque aussi de s'y crotter. Et c'est pour cela que nous éprouvons un certain serrement de cœur à y voir traîner le drapeau français. Alors, lui aussi prend le thème Rochefort, des magouilles financières. Donc voici le titre de la justice, l'accusation d'intérêts financiers et non pas de pan-islamisme pour justifier la conquête de la Tunisie. Alors il fait aussi un réquisitoire contre la politique des consuls. Je cite, pour le pays près duquel il est accrédité, le consul est une puissance indépendante. Tout ce qui est sous sa protection forme un État dans l'État. La police, le gouvernement du pays, je dirais presque ses lois, s'arrêtent là où s'étend l'action du consul. Et cette action s'étend là où il veut. D'un mot, il peut faire un de ses protégés de l'homme qui était la veille turc, égyptien ou tunisien. Il peut soustraire à l'empire du souverain du pays le sujet, le ministre de la veille. Avec ce pouvoir exorbitant, il est mêlé à toutes les intrigues du palais. Il pèse sur la vie quotidienne du gouvernement, de quel point on le devine. À la moindre difficulté, il peut montrer en rade un cuirassé allongeant ses formidables gueules d'acier qui regardent la ville, quelques pauvres canons achetés d'occasion. Voilà. Donc, toutes ces querelles de consuls risquent un jour ou l'autre de provoquer une guerre entre puissances européenne. Donc c'est le fameux morbus consularis dont je parlais déjà les séances précédentes. Mais à côté des consuls, Pelletan dénonce aussi cette engeance terrible que constituent les Levantins. Il y a dans l'Orient, à côté du monde musulman, et si monde musulman signifie société musulmane, une population spéciale mêlée de toutes les autres. Européenne de costume et de langue, trop souvent orientale de principe, croisée des sangs les plus divers, n'ayant à proprement parler d'autre patrie que l'écume de la Méditerranée. La descendance d'Israël s'y mêle avec des Copts, des Grecs, des Italiens, des Italianisés, souvent des produits mélangés de tous ces peuples divers. Et donc là, on voit pratiquement un point d'antisémitisme dans le journal de Clémenceau. Et on voit donc cette image du mélange racial qu'est le Levantin, être sans principe et purement avide. Cette description que Pelletan donne sera reprise dans un discours de Clémenceau à la Chambre le 9 novembre 1881. Donc il dit en gros, le surier juif y trouve sa place. Il précède en général la Banque européenne. Ainsi aussi, la Tunisie a été annexée non par la France, mais par la Bourse de Paris. Alors donc, le problème pour l'extrême-gauche française, c'est que si on considère que les croumières sont une invention de Jules Ferry, Il n'en reste pas moins de savoir si le fanatisme musulman est aussi une invention de Jules Ferry ou si c'est une invention de l'Allemagne. Hein, puisque chacun a ses têtes de Turc, si j'ose dire. Le seul qui prend la défense des musulmans, c'est plus ou moins l'intransigeant. Mais la question est de savoir si derrière le mouvement national égyptien, il n'y a pas un mouvement islamique cherchant à rétablir l'autorité du califat. Donc je cite le colonel Arabi Bey, le chef de l'émeute, n'est plus un militaire en révolte ou un patriote réclamant l'autonomie de son pays. C'est un apôtre qui prêche au nom du calife, l'union de tous les musulmans contre les chrétiens. La cause de tout le succès de la politique pan-islamique n'est autre que l'expédition de Tunisie. Les journaux arabes que le sultan subventionne et qu'Arabi Bey protège poussent de plus en plus à la révolution et à la guerre religieuse. Donc on sent très bien la complexité des prises de position de l'opinion publique française qu'on arrive à saisir par la presse de l'époque, et aussi le fait que déjà le grand débat sur la nature de l'islam et la nature politique de l'islam est bien posé par tous ces chroniqueurs de 1881, puisque vous vous rendez bien compte qu'en modifiant quelques termes, on a des discours de 2016. Hein, c'est-à-dire que, comme disait l'autre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, nous revenons maintenant à l'Égypte. Le consul britannique Edouard Mallet est maloté. Lui a bien vu une agitation pan-islamique dans les événements de septembre 1881, donc pour lui une conséquence de l'invasion française de la Tunisie. Il est hostile à Arabi, qu'il traite de fanatique illettré, et considère que réunir une chambre de notables élus en Égypte est une expérimentation dangereuse. En octobre, il considère dans ses dépêches que le programme d'Arabi Pacha, enfin de Bey, et de libérer le pays du contrôle européen et d'établir une constitution. Finalement, les Britanniques seraient prêts à accepter une constitution en Égypte, à condition qu'elle ne remette pas en cause le contrôle financier franco-britannique sur les finances de l'État et égyptien. Alors, en Angleterre, Lord Granville, qui est le ministre des Affaires étrangères de Gladstone, s'en tient à la politique de concertation avec la France, qui, elle, s'oppose vivement à tout retour en force des Ottomans en Égypte. Donc, comme souvent en politique, comme on n'arrive pas à trouver une bonne décision, on atermoie et on attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais c'est à ce moment-là que Gambetta va intervenir. Le 14 décembre 1881, il s'entretient avec l'ambassadeur britannique à Paris, Lord Lyons, et lui explique que la France n'a aucune ambition territoriale sur le Maroc, mais que l'avenir de l'Égypte lui paraît plein d'incertitudes, avec tous les événements qui viennent de se passer. Et il pense qu'il faut faire une intervention franco-britannique, je cite. Après avoir fait ce tableau succinct de la situation, j'ai demandé à l'Orléans si le moment ne lui paraissait pas venu pour les deux puissances les plus directement intéressées à la tranquillité de l'Égypte de concerter encore plus étroitement leur action et de se communiquer avec une entière franchise les réflexions que cet état de choses pouvait leur suggérer. Pour aller au plus pressé, ne conviendrait-il pas, quant à présent, de soutenir énergiquement de commun accord le gouvernement de Tewfik Pacha, en nous efforçant de lui inspirer une confiance absolue et exclusive dans notre appui. Mais il pourrait arriver que des circonstances étrangères à notre volonté vinssent ébranler le gouvernement du Khédive. Serait-il prudent que la France et l'Angleterre se laissassent prendre au dépourvu par une catastrophe de ce genre? En un mot, je pensais qu'il serait utile que les deux gouvernements se misent d'accord sans plus de retard sur les moyens les plus propres, soit à prévenir une crise, s'il est possible d'en empêcher les réflexions ou les suggestions que l'État de l'Égypte inspirait aux ministres de la reine. Vous noterez qu'au moins à l'époque, les hommes d'État français savaient manier la concordance des temps, ce que j'ai des doutes aujourd'hui. Lord Granville lui répond le 19 décembre que le moment est venu pour que les deux gouvernements se concertent, mais qu'il faut agir avec prudence. Comme le résumera plus tard Lord Cromer, Gambetta est dans un état d'esprit qui peut conduire à une occupation franco-britannique, tandis que Lord Granville est plus prudent tout en convenant qu'il faut faire quelque chose, mais sans savoir quoi. Selon Blunt, dans la version de la Secret History, il y a l'accusation du complot. Pour lui, comme pour beaucoup de ses contemporains, par exemple Edmond Goncourt, Gambetta est certainement d'origine juive. Vous savez, c'est le moment où Drummond va bientôt publier La France juive. C'est en 1879 que le terme antisémitisme a été utilisé pour la première fois en Allemagne, par Wilhelm Bain. Donc on est le moment où l'antisémitisme comme mouvement de pensée ou collectif apparaît en Europe. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, selon les principes de la théorie du complot, que vous voyez, tout à fait indigène en Europe, on n'a pas besoin d'aller regarder ailleurs, Gambetta est d'origine juive, il ne peut être que lié à la Haute Banque de Paris, les Rothschild et consorts, qui ont investi dans la dette égyptienne. Et c'est en fait derrière cette position interventionniste encore une action de la grande banque, pense Blunt, et un certain nombre des contemporains. Donc, le 24 décembre, Gambetta suggère une démarche commune pour montrer le soutien des deux pays au Khedive. Et il se charge de rédiger la rédaction d'une note conjointe. Pendant ce temps-là, Gladstone est à la campagne, parce que c'était une époque où les gouvernements britanniques allaient souvent à la campagne. Donc il était très difficile, par exemple, de joindre le Premier ministre durant l'été. Enfin, le gouvernement britannique, en général, il était dans ses résidences d'été, comme dans les films britannique, vous voyez, ces splendides résidences comme Downton Abbey, etc., pour ceux qui connaissent. Alors, comme il est à la campagne, il n'a pas reçu les lettres que Blunt lui a envoyées pour l'informer sur la situation en Égypte. Alors, autre problème, autre accusation de Blunt, c'est que Gambetta est en train de négocier avec Londres un traité de commerce. Puisque vous vous rappelez, en 1860, il y avait eu le grand traité de commerce franco-britannique qui avait instauré pratiquement une situation de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne, ce qu'on avait appelé le coup d'État douanier. Le traité de commerce étant tombé, enfin, arrivant à expiration, on négocie un nouveau traité de commerce franco-britannique. Or, 1880, début de l'âge de l'impérialisme, comme j'ai déjà eu l'occasion d'insister fortement, et aussi le début de la grande vague de protectionnisme économique qui va frapper l'ensemble du monde économique dit industriel ou développé, enfin, c'est des termes du XXe siècle, mais qui va donc frapper toutes les grandes économies de la fin du 19e siècle et qui va aboutir en France au fameux tarif made in sur le protectionnisme français. Alors, on reconnaît du côté français que la question du traité de commerce est aussi importante que la question de l'Égypte. Mais il faut bien voir que dans la pensée de Gambetta, Gambetta veut bâtir une nouvelle entente cordiale. Rappelez-vous, il y a eu une première entente cordiale sous Victoria et Louis-Philippe, une seconde entente cordiale entre Napoléon III et Victoria au moment de la guerre de Crimée. Et là, on parle, en 1880, d'une troisième entente cordiale, avant d'attendre la quatrième, celle qui est entrée définitivement dans l'histoire, celle de 1902, Donc Gambetta veut bâtir une nouvelle entente cordiale, et donc les deux dossiers sur lesquels il veut fonder sa politique de rapprochement avec la Grande-Bretagne, c'est le commerce et l'Égypte. Ce qui mettrait fin à l'isolement diplomatique de la France par rapport à l'Allemagne. Rappelons, encore une fois, le principe fondamental, y penser toujours, on n'en parlait jamais. Mais en même temps, le problème, c'est que si la Troisième République s'est enracinée, c'est-à-dire si on est arrivé à la République des Républicains, c'est parce que les Républicains ont fait la conquête des campagnes. Les paysans votent maintenant majoritairement pour les partis républicains. Or, face au choc de la mondialisation de 1880, la grande exigence de la paysannerie française, ce sont des tarifs protectionnistes. Et donc Gambetta est pris entre la demande de tarifs protecteurs pour l'agriculture française et sa volonté de maintenir un libre-échange relatif avec la Grande-Bretagne. Donc, comme vous le saurez, vous le savez tout de suite, puisque j'ai parlé de tarifs Méline, donc il n'y aura pas de traité de commerce. Et au contraire, la France adoptera un système protectionniste dans les années 1880. Alors, c'est très amusant, puisque les historiens ne font que suivre, ne sont que les girouettes qui suivent les évolutions du temps. Pendant longtemps, dans ma jeunesse, etc., on expliquait que c'était pas bien du tout le tarif Méline, etc., que ça avait provoqué l'arriération de l'économie française. Et puis aujourd'hui, au contraire, on dit ah ben ça a permis de maintenir un modèle français d'équilibre entre les campagnes et les villes, qui sinon aurait été complètement ébranlé. Donc on a maintenant une autre interprétation de l'affaire du protectionnisme en France sous la Troisième République. Mais ce qui est certain, si vous lisez les textes de 1880, que c'est bien le but envisagé. La protection permettra de maintenir un équilibre entre ville et campagne, qui est l'originalité française de la fin du XIXe siècle. Du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, aujourd'hui l'enjeu égyptien vu de France. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Oriental » aux éditions du CNRS et à la mi-février, je rappelle qu'il va publier chez Fayard « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Henri Laurence, nous aborderons l'internationalisation de la crise égyptienne et le projet constitutionnaliste. Dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.